La légende des glaciers. Mini-conte pour les enfants des montagnes. En ces temps-là, la neige et la glace recouvraient notre planète. Il y avait peu d'êtres vivants tant le froid était intense. Ainsi, les montagnes régnaient en maîtres et commandaient les rivières, les plaines, les vallées, tous les continents. Le climat était leur allié et leur procurait des manteaux de froidure dont elles avaient tant besoin. Or, un jour, le climat changea et voulut plaire aux autres composantes du relief de la Terre, aux prairies, aux collines, aux lacs, aux côtes, aux mers. Il se radoucit, procurant chaleur et douceur, transformant la planète blanche en une planète bleue et verte. Les montagnes étaient très en colère et menaçaient de déclencher des avalanches terribles et des tremblements de terre. Alors le climat coiffa d'un chapeau de neige éternel toutes les têtes des montagnes, les sommets, les crêtes, les pics, les monts, et plaça au-dessus une voile de brune froide. Il enveloppa d'un châle de neige permanente les versants les plus escarpés et les plus hauts. Enfin, il recouvrit les pieds des massifs d'une couverture de glace, de torrents souterrains gelés qu'on appellera plus tard le glacier. Ainsi rafraîchies du haut en bas, les montagnes pourraient résister à des températures plus clémentes l'été, en attendant leur saison de prédilection, l'hiver. C'était un conte de Carmen Montet, avec la voix de Christine Berthier.